cheveux charmants, cheveux au vent, dans le ciel, le bleu de tes yeux. Une romance, une pluie de novembre qui nous ressemble, un oiseau qui chante sur une branche, un rêve oublié au fond d'un tiroir, nos corps enlacés sur un trottoir. Avant